Bonne fin d'après-midi à tous. Je vais donc vous parler de la musique vocale et instrumentale dans le pays Bigouden, musique vocale et instrumentale traditionnelle. Alors, le pays Bigouden, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, la plupart d'entre vous ici, vous le savez, le mot Bigouden a d'abord été donné à la coiffe que portaient les femmes dans cette région. Et de là, il a été donné aux femmes qui portaient cette coiffe et ensuite a dérivé encore une étape après. Il a été donné au pays où vivaient les femmes portant cette coiffe, quoi. Alors le pays Bigouden, c'est la région où nous sommes, mais c'est un nom ou un adjectif à l'origine qui est relativement récent puisqu'il a été utilisé pour la première fois dans les années 1830. Ça ne fait pas encore 200 ans. Dans les périodes plus reculées, on ne parlait pas de pays Bigouden. Ce mot-là était totalement inconnu. Par contre, on parlait de Cap Caval. Et il y avait donc, ici, nous étions dans le Cap Caval. Il y avait donc deux caps qui étaient contigus, le cap Sizun au nord-ouest et le pays Bigouden au sud-est. Le pays Bigouden, non, le cap Sizun au nord-ouest et le cap Caval au sud-est. Il y avait donc deux caps, mais apparemment l'appellation cap Caval est sortie de l'usage assez tôt. Et de toute manière, le pays Bigouden et Cap Caval, ce n'est pas exactement la même chose. C'est en gros les mêmes pays, mais il y a au moins trois communes qui étaient dans le Cap Caval et qui n'ont jamais été dans le pays Bigouden, c'est-à-dire que on n'y a pas porté la coiffe Bigouden. Les trois communes en question sont Mahalon, qui était dans le Cap Caval, du moins la partie qui était au sud du Guyenne, hein, puisqu'il y a une partie qui était surnommée Aholonew qui était au nord. Cette partie-là n'était pas dans le Cap Caval, mais dans le Cap Sizun. Et puis il y avait Plouinec, et puis également Plougufan, commune donc du Cap Caval où on n'a pas porté la Bigouden. Quelquefois, quand on est à Porspoulhan, là, évidemment, il y a la statue de la Bigouden de René Kilivic. Cette statue marque bien la limite du pays Bigouden, mais pas la limite du Cap Caval. Hein, c'est-à-dire que le Cap Sizun ne commence pas à Poulhan-Plouinec. Hein. Le Cap Sizun ne commence que de l'autre côté du Guyenne à Esquibien. Hein. Donc c'est la limite du pays Bigouden, oui, mais pas la limite du Cap Caval. Hein. Le Cap Caval ne commence pas de l'autre côté de Poulhan. Voilà, donc quelques précisions concernant le pays auquel je me réfère. Alors, je vais donc vous parler de la musique traditionnelle de ce pays-là. C'est une musique qui a été découverte très tardivement, beaucoup plus tardivement que celle d'autres terroirs bretons. Par exemple, il a fallu attendre 1863 pour que François-Marie Luzel, un des principaux collecteurs de chants bretons traditionnels, vienne en pays Bigouden. Hein, il est venu dans la région de Kériti-Pinmard, où Anne, le pape, lui a chanté une des seules chansons républicaines en breton, qui est Ar Volontaire, sur le naufrage d'un bateau près de Pinmard, là, un bateau français qui s'appelait Le Volontaire, justement. Et un autre chanteur traditionnel, Nona, Andréon. Nona est le saint patron de Pinmard, comme vous savez, c'est donc un prénom masculin, et contrairement à ce que la terminaison en A pourrait peut-être faire croire. Nona Andréon lui a donc chanté Ar Flod Gwaen, qui est un des deux titres de la guerre dont je vais vous parler tout à l'heure et qui est plus connu sous le nom de Gwerspenmach. Alors curieusement, Luzel n'a publié ces chansons-là que 28 ans plus tard, en 1891, dans la revue connue des Celtisans qui s'appelle Les Annales de Bretagne. Il aurait pu l'inclure dans ces deux volumes de Gwerzio. Le premier est paru en 1868 et le second en 1874, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il me semble que c'est une guerre tout à fait intéressante. Voilà. Et donc, ce sont les seules chansons du pays Bigouden qui ont été collectée au XIXe siècle. Hein. Quand on pense qu'en tout, entre les deux volumes de Guerziou et les deux volumes de Sonyou, il y a en tout 400 chansons. Et bon, il n'y en a qu'une qui a été collectée en Pays Bigoudin. C'est la chanson appelée Bosen Elian, la peste des lions, qui a été collectée à Plomeur. Donc, quand on analyse les recueils, les grands recueils de chansons du XIXe siècle, eh bien, on trouve en tout et pour tout trois chansons qui ont été collectées donc, dans le pays Bigoudin. C'est vraiment étonnant quand on sait que notre région a attiré de nombreux écrivains et de nombreux peintres, mais la musique traditionnelle, apparemment, n'a pas du tout intéressé les chercheurs de cette époque-là. Alors que le Trégor, par exemple, le Centre-Bretagne, hein, grâce à des gens comme François-Marie Luzel, dont je vous ai parlé, Anatole Lebras dans le Centre-Bretagne, et également dans le pays Vannetais, il y a eu beaucoup de collectage, je pense notamment à Loïs Herrieux. Mais, le pays Bigoudin a été oublié à ce moment-là. Et au cours de la première moitié du XXe siècle, j'avance donc dans la chronologie, eh bien, la moisson n'a pas été plus abondante du tout, hein, puisque seuls deux prêtres, l'abbé Henri Guillerme, dont la mère était d'ailleurs née à Plozévette, sa mère s'appelait Thérèse Le Guélec, elle était née au bourg de Plozévette en 1850, donc l'abbé Henri Guillerme et le chanoine Pérennès ont publié deux chansons collectée en Pays Bigoudin. Celle collectée par l'abbé Henri Guillerme a été collectée à Plozévette, bon, parce qu'il avait de la famille à Plozévette, tout simplement. Et celle du chanoine Pérennès a été collectée dans le sud du Pays Bigoudin. Voilà, c'est tout deux chansons collectées pendant les 50 premières années du XXe siècle. C'est étonnamment peu, quoi, pour une région qui est quand même connu, évidemment davantage pour les vêtements, notamment les coiffes bigoudaines et les gilets brodés, que par sa musique. C'est pratiquement négligeable quand on compare à ce qui a été collecté, comme je vous l'ai dit, dans d'autres terroirs. Alors, pourquoi y a-t-il eu si peu de collectage en Pays Bigoudin ? Eh bien, pour l'instant, ça reste une énigme. Il faudra essayer de comprendre la raison de cette négligence, si on peut dire. Alors, en 1939, il y a eu une campagne de collectage dans une grande partie de la Basse-Bretagne, campagne qui a été organisée par le Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris. Et cette fois-là, ils se sont arrêtés en Pays Bigoudin, à Pinmar. Là, ils sont restés 3 jours. Ils ont fait une moisson assez abondante. Et à Plozévette, ils sont venus aussi parce que Albert Le Bail était à l'époque maire. Et comme il connaissait quelqu'un du musée à Paris, il avait invité la mission à passer. Et ils ont donc été reçus chez Albert Le Bail, dans la famille Le Bail, quoi. Et à Plozévette, ils ont collecté 4 chansons. Mais ces chansons ont été, porté à la connaissance du public très récemment, puisque c'est seulement en 2009, c'est-à-dire 70 ans après la mission, que ces chansons ont été publiées. Alors, en revanche, à partir des années 1950, c'est là qu'ont vraiment commencé les collectages importants. Il faut dire qu'à cette époque-là aussi, les collecteurs avaient à leur disposition un outil très pratique, le magnétophone. Avant, ça n'était pas d'un usage très courant, en tous les cas pas à l'époque des abbés Guillerme et Pérennès. Donc, à partir du milieu des années 1950, René Hénaff de Pouldrezic, donc de l'usine Hénaff, là, a fait beaucoup de collectages et il a réussi à enregistrer une centaine de chansons du nord au sud du pays Bigoudin. Dans les années 1960, Donatien Laurent, qui faisait partie des enquêteurs, des fameuses enquêtes pluridisciplinaires de Plozévette, là, a aussi enregistré des chanteurs, des chanteuses, notamment à Plozévette, à Loctudy et à Combrite. dans les années 70 et 80, Daniel Jekyll, qui a animé une veillée à la radio régionale qui s'appelait à l'époque RBO, Radio Bretagne Ouest, qui s'appelle maintenant Radio Bleu Brézizel, il a fait pas mal de collectages dans le secteur. Puis Marie-Aline Lagadic a continué. Elle a fait du collectage dans sa famille, surtout. En 1991, elle a publié un livret cassette qui s'appelle toujours Tradition familiale de chant en Pays Bigoudin. Et il y a eu d'autres collecteurs qui n'ont pas tous publié ce qu'ils ont trouvé. Mais enfin, on peut actuellement écouter quand même pas mal de chants enregistrés dans le Pays Bigoudin. Voilà, donc je commencerai par vous parler de la musique vocale et je ferai une seconde partie sur la musique instrumentale, principalement le biniou et la bombarde et l'accordéon. Alors, pour ce qui est de la musique vocale, les chansons bretonnes traditionnelles, d'une manière générale, sont ce qu'on appelle des chansons narratives, c'est-à-dire que chaque chanson raconte une histoire. Et il y a différentes façons de classer les chansons. Bon, moi j'ai choisi ce que j'ai mis au tableau, là ça va être mon plan. C'est une des manières, ce n'est pas la seule. On pourrait également les classer d'une autre façon, qui est la suivante. Il y a des chansons qui servent à faire danser et d'autres qui sont simplement à écouter. Voilà deux grandes catégories de chansons que j'aurais pu aussi retenir. Ou on peut également, il y a un troisième critère qu'il aurait été possible de retenir, qui concerne le mode de transmission. Il y a les chansons anciennes qui se transmettaient uniquement oralement, c'est ce qu'on appelle les chansons de tradition orale. Et ces chansons-là s'opposent à celles plus récentes qui étaient publiées sur feuilles volantes, essentiellement au 19e et 20e siècle, principalement entre 1850 et 1950. Et donc ces chansons-là ont un style tout à fait différent. Et comme je vous parlerai aussi des cantiques, enfin rapidement, mais je vous dirai un mot des cantiques, tant des recueils diocésains que ceux que l'on chante au pardon et qui, eux, ne sont pas répertoriés dans les recueils parce qu'ils sont d'un usage trop local. La grande majorité des chansons recueillies en Pays Bigoudin sont en langue bretonne, mais il en existe aussi quelques-unes en français. Elles ont été recueillies sur la côte sud, hein, la région de Pinmar, Guilvinec, par là, et elles ne sont pas récentes, hein, ce sont des chansons anciennes en français qui ont été vraisemblablement apportées par les marins, parce que, comme vous le savez, les ports du sud du pays Bigoudin ont eu beaucoup de relations avec les autres ports du golfe de Gascogne, hein, Bordeaux, La Rochelle, etc., et au-delà. Hein, mais enfin, au moins, celle-là, les relations étaient fréquentes et très, très importantes, surtout à certaines époques, parce que les relations économiques étaient plus importantes. Voilà, je vais donc commencer par les guerziou, qui sont une catégorie ancienne et importante. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guerze ? Une guerze, c'est un récit en vers, hein, parce que le mot guerze, la racine est la même que le mot français vers, des vers. Quoi, une chanson, donc, écrite en vers, qui rime forcément. Une chanson, en général, à caractère historique et composée à l'époque où l'événement a eu lieu, et qui a été transmis jusqu'à nous par tradition essentiellement orale. Et les guerziou sont presque toujours chantés. Ce sont aussi des chansons tragiques, hein, ce sont des récits tragiques, et d'une certaine manière, on peut considérer que ce sont de petites tragédies. Alors, dans les guerziou, on peut les classer en plusieurs sous-catégories. Les événements historiques proprement dits, ça serait la première catégorie. Deuxième catégorie, les crimes divers. Oui, il y en a de nombreuses qui ont été saed, on dit en breton, en français on dit composé, quoi. Il y a eu des guerriers de composés sur de nombreux crimes. Il y a une troisième catégorie où les histoires ont un caractère fantastique, et une quatrième où il s'agit beaucoup d'histoires amoureuses, malheureuses ou de mariages qui racontent des mariages impossibles et qui ont donc en général une fin tragique. Alors, je vais commencer par vous présenter la Guerze la plus ancienne, sans doute, du pays Bigouden, qui est connue sous deux titres, Flod Gwaen ou Guerze Penmarc. C'est donc la première aussi qui a été collectée par Luzel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1863. Elle n'a pas été collectée à Plozévet, mais elle a été collectée dans le sud du pays Bigouden, à Pinmar, au Guilvinec, hein. Entre autres, mais au-delà quand même. Alors, cette Guerze, donc, a été collectée, je viens de vous le dire, donc je ne vais pas le répéter. Et en tout, il y a eu six versions qui ont été recensées, parce que les chants traditionnels sont connus sous plusieurs versions différentes. Alors, toutes les versions racontent la même histoire, mais chacune des versions a quand même un certain nombre de caractéristiques. Alors, sur les six versions connues, il y en a eu quatre de collectées en pays Bigouden, il y en a une de collectée à Plogoff, et une sixième à Ouessant. J'ai appris l'existence d'une septième version tout récemment qui a été collectée à Plougastel-Daoulas. Alors, toutes ces versions-là ont la même forme métrique, c'est-à-dire qu'elles sont toutes écrites en couplets de deux vers de huit syllabes chacun. C'est ce qui est en réalité une coupe, comme on dit, c'est-à-dire une forme métrique tout à fait, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus banal. Et toutes ces versions-là racontent le naufrage de la flotte d'Audierne qui, ayant quitté le port de Bordeaux, est surprise par une forte tempête au large de Pinmar, à la Sainte-Catherine, donc le 25 novembre, mais l'année n'est pas précisée, comme c'est souvent le cas dans les Guerziou. Alors, Donatien Laurent, qui a étudié cette Guerze de manière assez approfondie, pense que ce naufrage a eu lieu environ au XVe siècle. Hein, ça fait environ 500 ans, quoi, grosso modo. Et sans doute à une époque où comment dirais-je, les relations maritimes étaient très, très, très importantes. Nous avons eu, il y a en gros 6 mois, une conférence dans le cadre de Plozarche, là, qui a été donnée par André l'Espagnol et Serge Duhigout, où ils parlaient justement de l'époque où l'activité économique de Pinmar a été très forte. Bon, ici, évidemment, il ne s'agit pas de la flotte de Pinmar, puisqu'il s'agit de la flotte d'Audierne. Mais on sent justement dans la Guerze qu'il existait une rivalité entre les Bigoudins, enfin, on ne disait pas les Bigoudins, les habitants, les marins de Pinmar et ceux d'Audierne à cette époque-là. Alors, les versions collectées en pays Bigouden précisent le trajet suivi pour doubler la pointe de Pinmar, les conditions du naufrage et le nom de l'homme qui a prêté sa charrette pour enlever les corps. Il s'appelait Jacques Saliang. Celle collectée à Plogoff donne le nom du seul bateau rescapé, hein, puisque toute la flotte a été perdue sauf un bateau qui s'appelait Hermaoudguen, le mouton blanc. Et voilà, et donc Jacques Saliang, j'en ai parlé. Le nombre des veuves d'Audierne qui viennent ensevelir leurs morts est de 147, mais en breton, c'est exprimé de la façon suivante, 16 à 16 huguen, c'est-à-dire littéralement 7 et 7 vingtaines, dans certaines versions, et dans d'autres, c'est triver à faire huguen, c'est-à-dire 138, autrement dit 18 et 6 vingtaines. Le fait que les nombres soient exprimés en base 20, c'est-à-dire non pas en dizaines mais en vingtaines, est à mon avis une marque d'ancienneté, hein, parce que le système de numération celtique à l'origine est en base 20, hein, et non pas en base 10. Hugen, Dahugen, Trihugen, Peverhugen, etc. Et ça allait au-delà de 100, hein. Verhugen, Seizugen. Tandis que dans les époques plus récentes, on s'arrête souvent à Peverhugen, quoi. Au-delà de 100, on compte par, comme dans le système français, quoi. Et bon, ce nombre-là, à mon avis, n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y a eu 147 veuves ou bien 136 veuves. À mon avis, c'est un procédé rhétorique dans les guerziou bretonnes qu'il faut interpréter comme cela veut dire que le nombre des veuves était considérable. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y en avait 147, mais ça veut dire qu'elles étaient très très nombreuses. Hein. Voilà. Alors, la Guerze s'achève par une malédiction portée contre les habitants de Pinmar, qui sont censés avoir allumé du feu dans leur église afin d'induire les maîtres de barque en erreur. Hein. Dans les versions de Kériti et de Plogoff, les versions qui ont été collectées à Kériti et à Plogoff, la malédiction est étendue aux habitants de Penors en Pouldreuzik et à ceux de Plozévet, notamment à ceux du village de la Trinité. Penors et la Trinité étaient connus pour leur chapelle et pour la forte fréquentation de leur pardon annuel, mais peut-être plus encore des marins pour leur clocher, qui devait leur servir d'amer, c'est-à-dire de repère. Et l'auteur de ces versions de la Guerze semble accuser ses habitants, les habitants de ces villages, d'y avoir allumé aussi des feux, ce qui me semble très difficile, sinon impossible, vu la forme et la dimension de ces clochers. Alors, je vais vous lire la malédiction portée aux habitants de Pinmar et puis de la Trinité, hein, en breton, je traduirai après. Malos aronda ben mahis, goulounos en oilis. Malos aronda zandemet, der parkoufa zo en drignet. Eploseve der parkoufa, malien flot gwayen isseha. Hein? Donc, malheur aux habitants de Pinmar qui gardent la lumière la nuit dans leur église. Malheur aussi aux habitants de Sandemet. Sandemet, il ne faut pas comprendre comme ceux qui habitaient près de la chapelle de Sandemet, mais plutôt aux paroissiens dont le saint patron est Sandemet, c'est-à-dire à tous les habitants de Plozévet, d'Arparkoufao. Donc malheur à Sandemet, aux champs de fèves de la Trinité, car à Plozévet, dans les champs de fèves, eh bien, les voiles des bateaux de la flotte d'Odierne sont en train de sécher. Voilà ce qui est donc dit dans cette Guerze. Alors on va écouter la Guerze de Pinmar, de la flotte d'Odierne. Alors elle est interprétée par une chanteuse de Kériti Pinmar qui s'appelait Marie Andréo. Voilà, on va l'écouter. Sortiez un flot de Zabourdal. À Carende où est navigué, on navigué. Ave la voile en égaventit. Ave la voile en égaventit. Pavre navit, vardol penmar, vardol penmar. A doué cave d'avait la voir. A doué cave d'avait la voir. Courage, courage, bugaligou, bugaligou. D'abonnaben barzéhélou. D'abonnaben. Ah, hélou, c'est les étaux. Hélou. Les rochers qui sont en face de Pinmar. Avec galon ni bab will fait, ni bab will fait. Vardalpenmar, ni babigé. Vardalpenmar, ni babigé. Oh, vel amour bras, Irussia, Irussia. Gangwada Christen, Yenzo ena. Gangwala Christen, Yenzo ena. Ni bavelpe, merye, goyen, merye, goyen. Ivonino da Bibenon, Ivonino da Bibenon. Seis in tanves da seis ugen, seis a seis ugen, 147. Ivonino d'une vendaine, Ivonino d'une vendaine. Inga houle d'une libin, d'une libin, na peus qui pleve, qui l'oumadin. Na peus qui pleve, qui l'oumadin. Que l'outin avaini, avaini, zo varda fen mar, maño vuzi. Zo varda fen mar, maño vuzi. Ano a hidrio, son din mat, son din mat, ne sterne di garda charia. Ne sterne di garda charia. I vido has dadri, dadri, dadri, dadri, da veret pen mar da interi, da veret pen mar da interi. Voilà. Alors, ce chant-là est interprété sur une mélodie différente de la plus connue. Hein. Certains d'entre vous connaissent déjà cette chanson-là et ils savent que la mélodie la plus connue est différente de celle-là. Marie Andreu est la seule, à ma connaissance, à la chanter sur cette mélodie-là. La mélodie la plus connue, c'est « Bremen blois da zantes catel, sorti az ar flo de zavourdel, sorti az ar flo de zavourdel. » C'est celle-là la mélodie la plus connue. Mais en breton, un texte donné se chante sur différentes mélodies. Il n'y a pas qu'une seule mélodie qui est utilisée. Là, il n'y en a que deux, mais parfois, il y en a trois, quatre, cinq ou six. Quoi. Alors, cette Guerz-là, je trouve qu'il est fascinant de constater qu'elle nous est parvenue par transmission orale ininterrompue depuis cette époque. Et elle a intégré les évolutions de la langue au fur et à mesure qu'elles se sont produites. Depuis 500 ans, vous pensez bien que le breton a connu beaucoup d'évolutions. Et si vous voyiez un texte écrit, en gros, à cette époque-là, vous auriez beaucoup, même si vous connaissez le breton, vous auriez beaucoup de mal à le comprendre. Parce que beaucoup, vous reconnaîtriez quelques mots, mais le sens général, il n'est pas du tout sûr que vous le compreniez. Or, cette Guerz-là, eh bien, quand quelqu'un qui comprend le breton de la région, il n'a pas de mal à la comprendre. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette Guerz-là a intégré progressivement toutes les modifications qui ont été faites. Hein. C'est-à-dire que elle a toujours été compréhensible pour son auditoire, à mon avis, et elle est encore aujourd'hui, donc au début de la deuxième décennie du 21e siècle. Si l'on disposait de la version initiale, on pourrait sans doute constater un écart important avec la version actuelle, mais cela montre comment un chant par tradition orale peut, comme ça, traverser les siècles en subissant évidemment quelques petites retouches, mais très, très, de façon très progressive. Alors, toujours dans le domaine des Guerziou, je vous ai dit que beaucoup d'entre elles racontent des crimes, et puisque nous sommes à Plozévet, je ne peux pas faire autrement que de citer la Guerz qui a été écrite sur un crime, le crime qui a été commis à Trebreven en mai 1841, hein, au cours duquel Ewan Arguer a assassiné son épouse, Anna Koroller, pour épouser sa servante, Marjan Notret. Et il y a l'auteur qui a écrit une composition là-dessus est quelqu'un de très célèbre, puisque c'est l'auteur du Barzaz Breiz, hein, Ersard de la ville marquée, qui était de Nison, tout près de Quimperlé, a composé une très longue Guerz sur ce crime-là. Très longue, puisque la Guerre compte en tout, et tenez-vous bien, 113 couplets. Tellement longue que, à mon avis, personne n'a réussi à la mémoriser en entier. Je ne sais pas si elle a été chantée, si elle a jamais été chantée in extenso. Donatien Laurent, qui l'a collecté au cours des années 60, n'a recueilli que quelques couplets, hein, 4, 5, 6 couplets, qui racontaient le moment le plus, disons, le plus crucial de l'histoire. Si elle a été chantée, à mon avis, elle a été chantée par quelqu'un qui avait le texte sous les yeux, mais il me semble très difficile de mémoriser un nombre de couplets aussi grand. Voilà, je ne vais pas passer quand même toute ma soirée à vous parler de ces Guerziou tragiques. Je vais aussi vous parler des Sonniou. Alors, les Sonniou constituent un genre plus léger, hein, qui correspond beaucoup mieux au sens, au sens que l'on attribue en général au mot français chanson. Ce sont des chansons beaucoup plus communes. Et contrairement aux Guerziou, elles contiennent souvent des refrains. Les Guerziou, en général, n'en contiennent pas. Hein, ce sont des récits linéaires. Alors, les Sonniou, à leur tour, peuvent être classés en plusieurs groupes. Et les premières que l'on présente souvent sont des chansons enfantines, des chansons destinées donc aux enfants. Et quelques-unes ont été collectées en Pays Bigoudin, et on va en écouter une du genre comptine, qui met en scène des animaux, et qui s'intitule « À Bendilan Meyal Darfoir ». Lundi, j'irai à la foire, et elle est interprétée à nouveau par la même chanteuse, Marie Le Dréau de Saint-Guénolé-Pinmar. A ben de l'an me al darboar, me a bril o ilog i gyaw an co-co-co, ma ilog i co. I co, i co, i co, i co gyn ma ilog i. A ben de meurt me al darboar, tous les jours de la semaine, il passe quoi. Et ça s'ajoute. Ma vau, ma ribien, co-co-co, ma ilog i co. Iko, iko, iko, iko gig ma ilo gig. A ben di mer yor mi al darvoir, mi abrin o chazig bien, miom, miom, miom, ma chazig bien, vou, vou, vou, ma i bien, ko, ko, ko, ma ilo giko. Iko, iko, iko, iko gig ma ilo gig. A ben der yaw mi al darwa, mi abrin o'r vuit ar vien, fel ben an in gam vuit ar vien, miom, miom, miom, ma ad bien, vou, vou, vou, ma i bien, ko, ko, ko, ma i log i ko. I ko, i ko, i ko, i ko gin ma i log i. A ben d'ar gwin ar mi ar darvoar, me a brin oa fichonik bien, krou krou krou me fichonik bien, pel ben an in gam vwet ar vien, miom miom miom ma az bien, vou vou vou ma i bien, ko ko ko ma i log i ko. I ko i ko i ko, i ko gig ma i log i. A ben disar mi al darvoar, mi abrin un wadez vien, kwaen kwaen kwaen ma wadez vien, krou krou krou me bichonik vien, pen ben an in gam vuit ar vien, miom miom miom ma az bien, vou vou vou ma i bien, ko ko ko ma i log i ko. I ko i ko i ko, i ko gin ma i log i. A ben disul mi al darboar, mi abrin o an or bien, war war war ma or bien, kwaen kwaen kwaen ma wadez bien, krou krou krou ma vichonik bien, pel ben an in gam vuit ar bien, miom miom miom ma az bien, vou vou vou ma i bien, ko ko ko ma i log i ko. I ko i ko i ko, i ko gin ma i log i. Voilà, ça change un peu des Guerziou quand même. Hein. C'est moins sinistre. Alors, les Sonniou, les plus nombreuses, sont, on pourrait s'en douter, celles qui traite du thème de l'amour dans un sens large, autrement dit les chansons lyriques et sentimentales. Certaines évoquent de façon amusante les efforts qu'il faut déployer pour séduire. D'autres présentent les difficultés multiples des jeunes gens pour trouver l'âme sœur. Parfois, ce sont les parents qui refusent le prétendant. Mais on rencontre aussi quand même des cas de bonne entente. Par exemple, dans la chanson « Trimartolo Diawank », qui était connue dans le sud du pays Bigouda, elle n'a pas été collectée à Plozévet, mais dans la région de Pinmar, Guilvinec, par là, elle était populaire et elle était utilisée, ce qui n'est pas très, très courant dans la région, pour faire danser. Le pays Bigoudin est une région où les danses traditionnelles étaient surtout menées par des instruments, principalement le biniou et la bombarde. Mais dans le sud du pays Bigoudin, on savait également chanter pour faire danser. Et cette chanson-là était utilisée pour faire danser. Et on va donc, c'est Stivel hein, qui l'a popularisé dans les années 70, là, mais il a fait d'ailleurs un très bel arrangement là-dessus, qui a été repris par, Nolwenn Leroy là, récemment, et qui est encore apprécié. Mais ici, on va l'écouter chanté par Nicole Pochic de Pinmar, et pour faire danser, c'est-à-dire qu'elle chante, les danseurs reprennent et on entend les pas des danseurs. Alors la danse en question, il est bon de préciser que ce n'est pas la gavotte bigoudaine, mais c'est ce qu'on appelle la ronde aux trois pas. C'est une ronde qui est connue sur toutes les côtes bretonnes. C'est une danse de marins, hein, qui était dansée par les marins eux-mêmes et beaucoup aussi par les ouvrières des conserveries de poissons. Hein. Et donc ici, c'est chanté par Nicole Pochic, qui l'a apprise de ses tantes, je crois. Et souvent, elle m'a dit que quand les ouvrières attendaient que le poisson arrive des bateaux pour le travailler, eh bien en attendant, elles dansaient devant l'usine pour passer le temps. Quoi. Alors on va écouter donc Trimartolo Diawank, chanté par Nicole Pochic. Et dans le verre, ma voix, oh non, la vie. On va couper parce que c'est. Sinon, j'aurais pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Alors, comment ? L'histoire, c'est d'une histoire d'amour. Hein. Ce sont des jeunes gens qui s'étaient rencontrés à Nantes et qui s'étaient promis peut-être de s'épouser, je ne sais pas. Il avait été question d'acheter une bague de fiançailles, je crois. Et ils se sont rencontrés à Terre-Neuve, donc de l'autre côté de l'Atlantique, et ils se sont reconnus. Voilà, c'est donc la. Ils s'étaient inévitablement séparés entre les deux phases de l'histoire. Mais en tous les cas, ils se sont revus et reconnus à Terre-Neuve. Et ce sont donc les retrouvailles à Terre-Neuve. Quoi. C'est la chanson célèbre les retrouvailles à Terre-Neuve. Ndou Arneve. Hein, à Terre-Neuve. Alors évidemment, comme les danseurs aiment bien que les danses durent, alors parfois les chanteurs, soit ils répètent la même chanson, soit ils rajoutent des couplets. C'est ce qui s'est passé.